Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OST, l'émission qui vous parle de jeux vidéo et surtout de musique de jeux vidéo. On est ensemble pendant un peu moins d'une heure et comme à chaque fois, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline. Salut Romain. Alors, émission un peu spéciale, donc vous l'entendrez, je suis désolé, je suis un peu malade, donc je vais peut-être parler un petit peu avec le nez. Cette semaine, ce mois-ci, on parle d'un jeu, d'une suite même d'un jeu dont on avait déjà parlé dans OST, puisque cette fois-ci, on a consacré une émission à Rayman Origins, et maintenant on passe à Rayman Legends. Alors, Rayman Legends, donc, qui est la suite directe de Rayman Origins. Donc, on a consacré donc, la deuxième émission d'OST à Rayman Origins. On passe à sa suite qui est sortie en 2013, soit 2 ans après le premier épisode. Il reprend tous les ingrédients en fait, qui ont fait le succès du premier. Donc, le graphisme cartoon avec le UbiArt qui fonctionne très bien. Une ambiance légère et humoristique, vraiment très sympathique et très fun à jouer. Et un gameplay dynamique et efficace. Et bien entendu, une bande originale riche et enjouée. Au niveau des différences, il y en a quand même quelques-unes, notamment l'intégration d'éléments 3D, c'est-à-dire que Rayman Origins était purement en 2D, donc sur un plan 2D, il y avait très peu d'éléments comme ça, alors que là, il y a quand même des passages en profondeur où on change un petit peu de point de vue, et surtout des personnages ou des ennemis qui sont complètement modélisés en 3D, et on le voit même dès la cinématique d'introduction, avec ce dragon, par exemple, qui circule au milieu des branches dans la jungle. Alors, je tiens à préciser que le petit dragon, déjà pour vous faire une image, c'est pas un dragon énorme, gigantesque, très long et très inquiétant. C'est un petit dragon tout rond et assez rigolo. Oui, voilà, il y a quand même le côté cartoon et sympathique. Voilà, donc il y a des éléments en 3D, donc et parfois quelques changements comme ça. On a des nouveaux personnages dont on va parler un petit peu parce qu'ils sont représentés aussi dans la musique. Et on a une ambiance aussi qui est plus héroïque et plus épique en fait. Et vraiment, c'est un des changements les plus notables au niveau des deux jeux. Question scénario, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire que le scénario est assez anecdotique. Dans le premier, il y avait un grand méchant qui perturbait l'équilibre du monde des rêves. Là, ils sont, c'est plus un grand méchant, mais je crois qu'ils sont 6, si ma mémoire est bonne. Et donc, les cauchemars se réveillent partout, et donc il y a à nouveau des créatures à aller taper dans tous les coins du monde. Donc, l'équipe de Rayman et son copain Globox se réveillent et vont à nouveau affronter tout ça. Donc le scénario est pas très développé, on va dire. Par contre, ce qui n'a pas changé non plus d'ailleurs, pardon, entre les deux épisodes, c'est l'équipe qui s'en occupe. On a toujours Michel Ancel, donc qui est directeur créatif à nouveau, et son équipe d'Ubisoft Montpellier, pardon, qui s'occupe du développement et qui ont donc finalisé Rayman Legends. Alors, quand on parle de la musique avec Rayman Origins, comme on en a parlé d'ailleurs la dernière fois sur cette deuxième émission, je crois, d'OST, on a donc Christophe Herral et Billy Martin qui reviennent pour créer cette bande originale. Alors, ce n'est pas tout à fait comme dans le précédent, où on avait vraiment un travail du 50-50. L'un avait fait trois mondes et l'autre deux, je crois. Là, cette fois, Christophe Herral a fait 4 mondes et Billy Martin n'en a fait qu'un. Donc, c'est vraiment Christophe Herral. Il y a un peu plus de projecteurs sur lui. Ce qu'on peut dire sur la musique au global, c'est un peu ce qu'on a dit déjà dans Rayman Origins au niveau des instruments qui ont été enregistrés par Christophe Herral, par exemple, qui joue des instruments à cordes pincées. Et il avait déjà enregistré tout seul pas mal d'instruments. Donc, ils en ont enregistré le maximum eux-mêmes. Et là, la différence vraiment ici, c'est qu'ils ont aussi enregistré quelques morceaux par un orchestre, en fait. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. C'est du coup beaucoup plus épique que dans Rayman Origins, en partie par l'utilisation de l'orchestre. On a aussi énormément de réutilisation des anciens thèmes qu'on avait beaucoup entendus dans Rayman Origins et dont on vous a déjà parlé, donc. Et là, ils les réutilisent, vous allez voir un petit peu ça. Et sinon, autre chose dont on va pas mal vous parler, c'est le fait que la musique est ultra référencée. On a beaucoup d'influences de toutes sortes et puis vous allez pouvoir écouter ça. Voilà, on entre tout de suite maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse directement d'un des morceaux de la bande originale de Rayman Legends. We'll be right back. le Medieval Theme, donc le premier morceau qu'on entend dans Rayman Legends. Alors là, on a vraiment typiquement un morceau avec la recette pour faire un morceau médiéval. Alors, pour faire un bon morceau médiéval qui claque bien, il nous faut une introduction aux percussions. Donc vous avez eu droit à ça pendant 20 secondes. Différents thèmes. Là, on a 4 phrases mélodiques donc, qui s'enchaînent dans le morceau d'une manière assez fluide. Mais quand même 4 phrases, ce qui est pas mal en 2 minutes. Un côté épique, évidemment, parce qu'on est au Moyen-Âge, donc il y a de la bagarre, des bastons, des héros, etc. Des instruments anciens, comme la flûte et le biniou qu'on a entendu et qui interprètent souvent les thèmes, en fait, et les 4 phrases mélodiques du morceau. Les voix à l'unisson, comme les chants grégoriens qu'on peut entendre dans les églises. Des cuivres et des cordes qui apportent du corps à tout ça. Et voilà, tout ça mélangé, ça nous donne évidemment un morceau médiéval classique. Ouais, ou pas. Comment ça, ou en pas fait, non, mais alors... Non, il y a des trucs, je suis d'accord, hein, on va aller vers ça, mais en même temps pas du tout. Je suis d'accord sur le fait que toutes ces musiques-là, ça nous fait, tous ces éléments-là, ça fait que ça fait un morceau médiéval dans notre imaginaire, ça marche très très bien. Par contre, en vrai, un vrai morceau médiéval, une danse médiévale, c'est plutôt ça en fait. Donc ça c'est une danse médiévale, un vrai morceau médiéval. Oui, alors voilà, là c'est mieux. On a tout ce qu'il faut, donc c'est vraiment une danse médiévale ancienne cette fois. En fait, cette musique-là est beaucoup plus répétitive que dans Rayman Legends, parce qu'en fait, les danseurs ont besoin de ces phrases répétitives pour enchaîner des pas qui vont revenir une fois, puis deux, voilà. Mais il n'y a que, deux phrases, deux ou trois phrases maximum. 4 phrases, c'est quand même beaucoup. On n'a pas de cuivre, parce qu'à ce moment-là, l'utilisation des cuivres était... vraiment minime. Et pour les danses, voilà, ça dépendait vraiment de l'utilisation qu'on en avait, mais pas au point qu'on l'utilise après dans la musique de film, ou comme l'a fait justement Christophe Ehrhal dans sa musique. Et on n'a pas de côté épique aussi, on n'a pas, voilà, on n'a pas ce côté fantastique, grandiose de guerrier, parce qu'à ce moment-là, c'était la musique pour faire la musique, c'est la musique populaire. Donc c'est pas pour avoir c'est pas un objectif pour être épique. C'est pas fait pour ça, en tout cas. Et puis, on n'a pas de chant, parce que le chant était vraiment réservé à d'autres types de musique. Quand on avait du chant, c'était une chanson. Et si on faisait une pièce instrumentale, comme c'est le cas ici, on n'avait pas de chant. Voilà. Voilà, donc tant pis, ce n'est pas tout à fait un morceau médiéval, voilà, mais Medieval Film, quand même, ça représente le changement d'ambiance, en fait, entre les deux bandes originales dont on vous a parlé, en fait. C'est-à-dire que là, on a vraiment le côté épique, et surtout, il faudrait comparer avec une des premières chansons qu'on entend, en gros, dans le Rayman Origins, qui doit être la chanson du Roi des Looms, qui est quelque chose au ukulélé de très sympathique et de très joyeux, de très sautillant, on va dire. Et là, on est tout de suite dans quelque chose vraiment de beaucoup plus héroïque, où là on va vraiment sauver le monde ou sauver le château, etc. Donc vraiment ce morceau représente dans quelle direction ils ont voulu aller, en tout cas pour cette suite et pour ce nouveau jeu. On enchaîne tout de suite avec un deuxième morceau. Je tiens juste à noter du coup que cette musique, justement, c'est la musique du menu. Oui, bien sûr. C'est ça oui, c'est ça. Medieval Film, c'est la musique du menu et c'est la musique du premier monde, en tout cas des premiers niveaux, en fait, qu'on fait dans Rayman Legends. Voilà, effectivement. Et qui devient emblématique et qui nous a beaucoup plu, nous. Oui, c'est une de nos préférées, tout à fait. On enchaîne du coup maintenant ? Oui, cette fois tu as le droit d'enchaîner, Romain. D'ailleurs, tu dois nous en parler, je crois, de ce morceau avant qu'on l'entende. Tout à fait. Donc le morceau s'appelle Babel Tower, donc la tour de Babel. Et c'est un morceau assez étrange, on va dire, qui est assez bordélique dans sa construction, parce que c'est un medley, en fait, de plusieurs thèmes arrangés à la sauce RL, donc de thèmes, on va dire, connus ou célèbres, surtout dans la musique de film. Alors, ce n'est pas les thèmes note par note non plus, hein, ce n'est pas exactement les mêmes, mais on sent vraiment de grosses influences. Et donc, au niveau des influences, il y a une danse traditionnelle sicilienne qui s'appelle Abalati Abalati, que vous pouvez retrouver interprétée par Roberto Alagna, si vous aimez Roberto Alagna. vous pouvez également retrouver Les Dents de la Mer, un passage qui ressemble vraiment. Il y a un passage un peu mélange de Beetlejuice et de Harry Potter. Et Les Valkyries de Wagner, que on peut entendre également dans le morceau. Voilà, vous avez tout ça en tête. Maintenant, vous pouvez écouter le morceau et on en reparle encore un petit peu après. Alors là, vous êtes au cœur d'un gloubi-boulga de plein de musiques différentes qu'on a pu entendre depuis les années 80 à peu près, dans les films d'aventure, de fantastique. Il y a du Danny Elfman, il y a du John Williams, il y a du Wagner. Enfin, vous retrouvez un petit peu tout, vraiment toutes les influences, comme l'a dit Romain juste avant. On entend aussi quand même le thème de Rayman, qu'on a pu entendre dans Rayman Origins, à peu près à la deuxième moitié du morceau. Vous pouvez essayer de réécouter la musique chez vous, vous verrez, vous devrez entendre normalement ce petit bout de thème qui est caché là-dedans, parce que c'est quand même Rayman Legends, on reste dedans. Il y a quand même la présence de nombreuses percussions qui donnent quelque chose de très dynamique, malgré ce patchwork qui pourrait faire un peu décousu, mais on perd pas la main, on reste toujours dedans, il n'y a pas de problème. Et ce qui est assez intéressant aussi à noter, c'est donc on a les Valkyries de Wagner, et quand même les personnages qu'on rencontre, enfin les nouveaux personnages avec qui on peut jouer dans Rayman Legends sont des petites Valkyries en fait. On a par exemple Roxane et puis on a toutes ses sœurs qui ont le même petit casque voilà, qui rappelle les Valkyries, donc c'est sans doute un clin d'œil aussi à ça. Et puis on a des petits parachutistes qui peuvent nous faire penser à Apocalypse Now. Oui, en plus c'est des notes qu'on retrouve plusieurs fois dans plusieurs morceaux. Là voilà, on vous a passé déjà deux morceaux et en fait elle y est deux fois, parce que dans le tout premier morceau qu'on vous a présenté, y a effectivement les notes de la chevauchée des Valkyries. On enchaîne avec un nouveau morceau et on va changer radicalement d'ambiance et on va se retrouver en haut dans le ciel et dans les nuages. Ces instruments à cordes frottées en boucle qui donnent une impression d'air, de vent. On se sent vraiment dans les nuages, en fait, dès le début, grâce à ça. On a un instrument avant qui ressemble un petit peu au serpent, qui est un instrument avant, justement, avec un son assez nasal. En tout cas, ça y fait penser, qui reprend le thème qui vient du désert des didgeridoo qu'on a eu dans Rayman Origins. Donc, on a un thème assez mélancolique comme ça, mais qui est réharmonisé avec donc ces cordes frottées, qui donne quelque chose de beaucoup plus grandiose, plus complexe et qui fait vraiment penser à, carrément à de la musique de film, en fait. Oui, et puis niveau référence, là, à ce moment-là, on se retrouve plutôt en Extrême-Orient, parce que moi, quand j'entends cette musique-là, je pense très directement aux compositions de Joe Hisaishi, donc, qui est le compositeur attitré du studio d'animation Ghibli. Et notamment dans les nombreuses compositions qu'il a faites, là, ça me fait vraiment penser au paysage magnifique qu'on peut voir dans Princesse Mononoke, quand on voit toute la forêt, etc., avec les beaux thèmes de Joe Hisaishi. Là, ça vraiment, je trouve, c'est encore une référence supplémentaire qu'on peut ajouter à tout ça. On change encore d'ambiance avec un nouveau morceau, donc de la bande originale de Rayman Legends. Et cette fois, vous allez voir, on passe dans quelque chose d'un peu plus inquiétant et mystérieux. Hades End, donc qui est un des derniers morceaux en fait qu'on peut entendre dans la bande originale et qui dénote un peu avec tout le reste. On vous a parlé quand même d'un design un peu cartoon et tout ça, mais là on a plutôt une impression sombre et inquiétante parce que on est en train d'affronter en fait un gigantesque monstre noir. Et là les cordes frottées et puis les cuivres ensuite qui enchaînent répètent deux notes, trois notes au maximum, qui donnent vraiment quelque chose d'inquiétant parce que en fait il reste vraiment installé sur deux notes différentes et ça maintient une tension palpable. Et puis vous avez aussi un jeu de soufflets. Alors les soufflets, un crescendo c'est donc quand on va de moins fort à plus fort, et un décrescendo c'est l'inverse. Le jeu de soufflets c'est vraiment comme si je commençais loin du micro et je me rapproche petit à petit, et puis après on se rééloigne pour donner vraiment une impression d'attente, vraiment quelque chose, on sait pas où ça va là. Et donc, en plus, on est en train d'affronter un monstre noir, mais en fait, on n'est pas vraiment en train de le combattre parce que, surtout au début du morceau, en fait, on a plutôt le sentiment en fait, d'être poursuivi. Et ça, c'est donné par les cordes et les percussions qui donnent vraiment chaque temps. Comme le tempo est assez rapide, les temps sont rapides aussi et du coup, on a vraiment l'impression que c'est la course. Donc ce monstre noir, en fait, c'est une gigantesque main noire qui est composée en fait de milliers de monstres qui fourmillent vraiment et donc qui forment une main, donc la main d'Hadès. Et en fait, c'est évidemment un boss et c'est le dernier boss du jeu même. Et qui est du coup très impressionnant parce que tout l'orchestre joue, c'est un tutti orchestral à ce moment-là. Voilà, donc c'est une musique assez intéressante et qui note un peu avec le reste, donc musique de boss, mais qui a un changement assez étonnant. Oui, un twist que j'ai toujours pas trop réussi à comprendre, avec vraiment une conclusion qu'on appelle d'ailleurs une coda en musique, et la conclusion c'est la coda. Donc une coda qui est très glorieuse, mais du coup qui fait un peu cliché de la gloire d'un film d'aventure des années 90, et on comprend pas trop parce que ça dénote avec quelque chose qui était très récent comme façon de composer la musique, qui ressemblait vraiment à de la musique de film et qui n'était pas du tout cliché pour le coup. Ouais, le changement est assez brutal en plus entre les deux parties. En effet. On continue notre analyse de la bande originale de Rayman Legends. Du coup, on passe à un morceau qui est un peu particulier et que vous ne pourrez entendre qu'en entier à la fin du jeu. On écoute le morceau et on vous en dit un petit peu plus après. Alors, le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Another World, peut-être une référence d'ailleurs au jeu vidéo Another World, on ne sait pas. En tout cas, c'est un morceau assez particulier qui est fait, qui est vraiment qu'on entend par petites touches, on va dire, dans le jeu. Et évidemment, c'est un morceau donc, qui joue sur l'accumulation, c'est-à-dire vous entendez un instrument, puis ensuite un deuxième le rejoint, etc., etc. Puis à la fin, on a un mini-orchestre, on va dire, tout entier. Et dans le jeu, en fait, pour écouter le morceau, je vous ai dit qu'on affrontait en fait six méchants qui étaient jalonnés en plusieurs monde, et donc à chaque fois en fait qu'il est pris au piège, le méchant, le héros, peu importe le personnage qu'on joue, l'envoie en gros dans les étoiles, et en fait il atterrit sur une petite lune où un diablotin en fait vient lui piquer le popotin avec une fourche démoniaque évidemment, et donc la blessure infligée par la fourche en fait fait émettre un son au petit personnage, et en fait c'est cette accumulation en fait de sons qui construit le morceau, et donc les instruments s'ajoutent par derrière, etc., etc. Donc pour entendre le morceau entier, il faut finir en fait le jeu et battre tous les boss à ce moment-là et tous les envoyer sur la petite lune. Et comme ça, on a six petits méchants qui crient avec des petits diablotins qui leur piquent les fesses. Exactement. Et c'est du coup une musique assez humoristique. On rejoint quand même l'ambiance à ce moment-là, les avoir envoyés sur une petite lune au loin comme ça. Mais il y a aussi une inspiration de musique slave qu'on n'avait pas encore eue cette fois, qui fait vraiment penser donc à la musique tzigane avec une clarinette qui joue très très librement avec des glissés d'une note à l'autre, pardon, et un chant aussi assez libre. Des cris de joie vraiment très festifs, et du coup tout ça, ça donne quelque chose de rebondissant et de joyeux qui nous donne la fierté d'avoir tué, enfin pas tué justement, mais d'avoir débarrassé le monde des petites saloperies. Les avoir boutés hors de notre monde. C'est ça. On fait une parenthèse entre guillemets pour terminer l'analyse. En fait, comme dans Bastion où il y avait le moment des chansons qui était vraiment réservé, là on va parler des niveaux musicaux qui sont assez importants. En fait, c'est des niveaux spéciaux qui ont été créés pour le Rayman Legends qui marquent en fait la fin d'un monde. On vous a dit que c'était en 5 mondes le jeu, et donc à chaque fois en fait, le dernier niveau est un niveau musical, c'est-à-dire que en fait, vous allez parcourir le niveau et la musique est en parfaite adéquation en fait, avec vos actions et ce qui se passe en fait, dans le niveau en question. Le niveau est construit de telle manière, évidemment, à ce que ce soit synchronisé. Ce qui est surtout intéressant, c'est que déjà, c'est des reprises de titres déjà connus. Il y en a certains, et vous allez voir, on va les énumérer après, qui sont remixés à la sauce Rayman par Christophe Herral. Et pour une fois, ce qui est vraiment intéressant au niveau du processus de création, c'est que ce n'est pas la musique qui vient après et qui doit s'adapter au level design, c'était l'inverse. C'est-à-dire que Christophe Herral a fait ses morceaux, les a proposés en fait au level designer d'Ubisoft Montpellier, et donc c'est lui qui a fait les niveaux en fonction de la musique. Donc pour une fois, la musique était en amont en fait du processus de création, ce qui n'arrive à peu près jamais. Presque jamais, et ça fait plaisir du coup de voir inverser ça. Ouais, ouais, c'est vraiment des jeux qui sont très... pour lesquels la musique est très importante. Et donc, vraiment, là, c'est encore une preuve de plus que la musique tient une place à part entière dans l'univers de Rayman. Donc, on vous passe deux morceaux de niveaux musicaux et on commence avec le tout premier qui s'appelle « The Orchestral Chaos ». Fin grandiose pour The Orchestral Chaos, dans lequel vous avez joué un personnage qui court et qui court sans s'arrêter, parce que donc, comme disait Romain, ce niveau musical en fait ne s'arrête pas vraiment, ça avance, et c'est assez chouette parce que ce morceau-là, par exemple, c'est le seul qui est original que Christophe Herral a composé vraiment exprès pour le jeu. Ça veut dire que tout ce qu'il a choisi de mettre dans sa musique, il allait déjà un peu l'avoir en tête pour à un moment donné le faire par un level designer. Donc c'est ce qu'on s'est dit, a priori il a dû vouloir aider le level designer parce qu'en fait la musique est assez décousue, il y a des passages, d'un seul coup il y a un thème qui est repris, bon voilà, mais sinon le reste c'est des petites envolées, du violon solo, des vents, il y a un peu tout dans tous les sens, et en plus le morceau est très très court, ce qui n'a rien à voir avec une forme habituelle jouée par un orchestre, parce que d'ailleurs, justement, c'est une pièce orchestrale, comme son nom l'indique. Et c'est un peu le chaos. Bah, je vous disais, c'est une musique décousue. C'est un peu ni queue ni tête. C'est bien fait pour aller avec le level design. Mais si on l'écoute comme ça, toute seule, on a du mal à se dire que c'est une pièce vraiment orchestrale, faite pour ça. Ouais, c'est difficile de dissocier en fait la musique de l'expérience de jeu là, parce que c'est vraiment fait pour ça, quoi. Les deux sont censés être combinés pour avoir l'expérience totale. Oui, c'est comme ça que ça a été pensé. Exactement. On passe à un deuxième morceau qui est niveau musical à nouveau. Et cette fois, c'est une reprise, c'est un réarrangement, on va dire, un arrangement même tout simplement, pas un réarrangement, un arrangement donc, et qui s'appelle Glou Glou. Donc voilà, Glou Glou. Donc là, on est vraiment reparti dans le monde de Rayman Origins avec les petites voix, le ukulélé, et vraiment l'ambiance funky. Donc c'est une reprise de Woohoo, qui est du groupe The 5678, que l'on peut voir et entendre le groupe dans le premier film Kill Bill. C'est le moment où la mariée va se battre contre les dizaines et dizaines de Yakuza. Et donc on voit un groupe jouer à ce moment-là, et donc c'est ce groupe-là qui est en train de chanter Woohoo. Donc une magnifique reprise qui est pour l'univers sous-marin. Et donc évidemment, l'univers sous-marin, il ne pouvait pas l'appeler autrement que Glou Glou, parce que c'est aussi une référence au Rayman Origins, au monde aquatique à ce moment-là, parce que plusieurs chansons s'appellent Glou Glou aussi, et la petite chanson chantée par les petites voix. Donc voilà, c'est vraiment en hommage évidemment au groupe, et aussi ils ont en profité pour remettre Origins encore une fois sur le devant de la scène. Et alors je vais cafeter, mais Romain et moi étions gentiment en train de danser avant de pouvoir reparler dans nos micros. Oui, bah, ça met la patate. Ah, c'est entraînant, c'est entraînant. C'est entraînant. Alors, ce qu'on peut dire sur ces niveaux musicaux, c'est quand même que ce sont des niveaux très agréables à jouer en général. Vous vous laissez guider par la musique, du coup, vous sautez, vous tapez, vous sautez avec les temps, les percussions, tout va pile poil. Et comme je disais, donc ça enchaîne, ça n'arrête pas. Donc, il faut que ce soit pile poil en place. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on est poursuivi en fait par des espèces de ronces gigantesques qui fait que si on s'arrête de toute façon quelques instants pour écouter la musique ou que sais-je, on se fait rattraper et donc on doit recommencer le niveau. Donc de toute manière, on est obligé de suivre la musique. Voilà, c'est où d'ailleurs des ronces ou des monstres ou du feu. Oui, bah voilà, ça change un petit peu à chaque fois, mais c'est marrant, c'est un peu comme si voilà, on était obligé de suivre une partition entre guillemets et que la partition était des éléments visuels en fait du jeu, quoi. Tout à fait. Et pour jouer un là ou un si, vous tapez sur un bonhomme ou vous faites exploser. Qui apparaît. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà. C'est donc très bien pensé. C'est super facile à jouer et surtout très agréable. En plus, vous perdez et vous le refaites et ça passe tout seul. Et c'est pas la première fois que Ubisoft Montpellier fait des niveaux musicaux, du coup, parce qu'ils l'ont fait dans des jeux précédents, notamment avec des lapins, je crois. Crétins, même. Mais oui, c'est lapins crétins, en effet. On a déjà eu ça avec eux dans des niveaux qui ressemblent un peu à Guitar Hero, où il y a plusieurs musiques reprises, comme ça, des musiques connues en plus, dont une dont je me souviendrai tout le temps. Je pense que c'est Funky Town. Je ne peux plus entendre cette musique sans entendre les petites voix des lapins crétins. Ça marque. On vous en a pas parlé, donc oui, dans les niveaux spéciaux, il y a d'autres reprises. Vous pouvez écouter une version de Trust d'Antisocial aussi, et aussi Blackberry de Ram Jam. Donc il y a encore d'autres morceaux que vous pouvez découvrir en fait dans les niveaux spéciaux, et c'est assez fandard, il faut l'avouer. On en a maintenant déjà terminé. Mais oui, ça va vite. Hein. Donc, c'est maintenant le temps de conclure tranquillement sur Rayman Legends. Alors, la musique de Rayman Legends, c'est quand même assez compliqué d'en parler en tant que BO originale toute seule, on va dire, parce que c'est pas forcément une bande originale, en fait, nouvelle, complètement nouvelle. On dirait plutôt un espèce une sorte de variation, en fait, globale de toute la musique de Rayman Origins. Avec vraiment parce que là on vous a fait écouter que quelques morceaux, il y en a plus de 50, mais quasiment dans chaque morceau il y a une reprise en fait d'un thème de Rayman Origins, donc ça donne un côté très sympathique et très familier, parce qu'on a l'impression de juste poursuivre l'expérience en fait, comme si les deux jeux n'en faisaient qu'un, avec qu'un seul gros jeu finalement. Mais du coup, il y a peut-être un petit manque de nouveauté quand même qui se fait sentir. C'est aussi ça qu'on peut reprocher à Christophe Herrhal et Billy Martin, c'est que du coup, oui, c'est quelque chose de familier et d'agréable, mais aussi on pourrait leur reprocher de ne pas s'être foulé, parce qu'on retrouve les mêmes thèmes, les mêmes choses. Et des fois, ça manque un peu d'originalité. Et on revient toujours aux mêmes choses déjà connues. Et je pense qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin sur certaines choses. Oui, puis il y a quand même des nouveaux morceaux, hein, évidemment. Mais ce qui est dommage, c'est que ces nouveaux morceaux, on ne les retrouve peut-être pas assez. Nous, on adore le Medieval Film, on vous l'a dit. Et vraiment, on voudrait en avoir plus quoi, de celui-là. Parce qu'on le trouve vraiment excellent et qu'il fonctionne plutôt bien, quoi. Tout à fait. Après, dans cette musique, le deuxième paramètre qu'on peut souligner, c'est quand même qu'elle est ultra référencée, comme on vous l'a dit. Il y a la musique type James Bond pour le monde de l'eau. On a une musique mexicaine avec le monde de la fête des morts. Voilà, et vous retrouvez toutes les choses dont on vous a déjà parlé. Et ça, c'est vraiment très bien fait, bien assaisonné. En fait, vraiment, ils ont assaisonné leur musique de toutes ces références et toutes ces influences. Et c'est très agréable, on n'est pas perdu. Et en même temps, ils nous font voyager. Enfin, là, à ce niveau-là, ils se sont aussi très bien débrouillés. Oui, si on récapitule quand même, on a musique mexicaine, de la musique de film, de la musique plutôt orientale, de la musique tzigane. Enfin, si on récapitule toutes les influences et toutes les références qu'ils ont réussi à caser là-dedans, c'est assez grandiose. Et on ne parle même pas des titres des morceaux qui sont eux-mêmes des références. Notamment, tout le monde de l'eau, en fait, n'est que des titres repris des films de James Bond. Donc voilà, on a un côté vraiment ultra référencé, mais qui en même temps... très assumé en fait dans ce qu'il fait. Donc voilà, c'est une bande originale qui est vraiment de façon de très bonne qualité, de très bonne facture. Après, est-ce qu'elle est aussi mémorable et est-ce qu'on la retiendra autant que celle de Rayman Origins? Personnellement, j'ai un petit doute. Moi aussi. Parce que voilà, à part quelques chansons vraiment qu'on aime beaucoup. Je crois qu'on en a terminé. C'est en bon tout cas, oui, pour cette bande originale, oui. Eh bah, très bien. On va pouvoir passer très tranquillement du coup à notre rubrique favorite et préférée, le niveau bonus. Alors ce mois-ci, niveau bonus, donc on vous l'a dit, on faisait par thème du jeu vidéo et donc par genre du jeu vidéo. On a fait la dernière fois le jeu de gestion et évidemment en parlant de Rayman, on ne pouvait pas manquer. Donc maintenant on va parler des jeux de plateforme et c'est toi qui commence, Emeline. Oui, tout à fait, avec un jeu justement qu'on a découvert ensemble, qui marche très bien vraiment avec de la coop. Un jeu très sympa avec des petits personnages de poupées de chiffon qui sont très personnalisables. Vous allez écouter donc là un extrait de la bande originale de Little Big Planet 2. Thank you. C'était donc un extrait de la bande originale de Little Big Planet 2, un jeu qui est sorti en 2011 sur PS3, dont le développeur est Media Molecule. Alors comme je vous le disais, c'est un jeu de plateforme rythmé et dont la coop est vraiment bien pensée. En fait, on peut jouer jusqu'à 4 en local, ce qui est assez rare. Et surtout, voilà, un jeu vraiment bien fait au niveau du design, du gameplay et du coup de la musique, qui est plutôt pas mal. Oui, effectivement, ouais. Donc un jeu qui est spécialisé en plus pour PS3, et donc il y en a eu trois, une trilogie, et qui est connu, oui, pour le monde qu'on peut créer en plus avec un éditeur de niveau, etc., qui est rempli de mini-jeux. Et là, le monde où il y a cette musique, c'est un monde de pâtisserie, avec des gâteaux et des biscuits que l'on peut escalader. Et une chanteuse lyrique. Et voilà. Une chanteuse lyrique qui se balade là, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est chouette. Mais oui, parce que c'est beau. On enchaîne avec moi cette fois-ci, et on va passer sur un pur jeu de plateforme qui est sorti maintenant il y a quelques années, en 2010 pour être précis, et qui vraiment a remis la plateforme et le speedrun au goût du jour, c'est bien évidemment Super Meat Boy. Voilà la chanson, le thème de l'hôpital en fait dans Super Meat Boy, qui est le deuxième monde qu'on peut faire. Donc sorti en 2010 par la team Meat, donc avec qui est composé de Tommy Ruffinese et d'Edmund Macmillan bien évidemment. Musique de Danny Baranowski qui vraiment nous livre là une soundtrack incroyable. Quelques années après, il fera Binding of Isaac, premier du nom. Voilà, un grand monsieur de la musique de jeux vidéo, et vraiment avec une BO qui cartonne et qui est pleine de dynamisme. Et donc vraiment, ouais, ça déchire. J'ai pas joué au jeu, mais à chaque fois que j'entends cette musique, je suis impressionné par son peps. Ouais, c'est ça. Vraiment, et un super jeu si vous l'avez pas essayé. C'est très dur, c'est très compliqué, mais c'est vraiment rigolo à faire et c'est vraiment bien, bien foutu. Donc voilà, Super Meat Boy et Little Big Planet 2 pour le niveau bonus. L'émission touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup, Emeline. Merci à toi, Romain. Voilà, on vous souhaite évidemment un bon mois de février avec OST. On espère que l'émission vous a plu. On vous recommande vivement Rayman Legends. Pas forcément Rayman Origins, parce que les niveaux de Rayman Origins sont dans Rayman Legends. Donc, achetez plutôt Legends, il ne doit plus coûter très cher. C'est un excellent jeu, ça se joue en coopération. Enfin, voilà. Vraiment, profitez-en, c'est du très très bon. Nous, on vous fait des bisous, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit au mois prochain. Salut, salut! À bientôt!